Marcel Schwab, Vies imaginaires. Cecco Angiolieri, poète haineux. Cecco Angiolieri naquit haineux à Sienne, le même jour que Dante Alighieri à Florence. Son père, enrichi dans le commerce des laines, inclinait vers l'empire. Dès l'enfance, Cecco fut jaloux des grands, les méprisa et marmotta des oraisons. Beaucoup de nobles ne voulaient plus se soumettre au pape. Cependant, les Ghibellins avaient cédé. Mais parmi les guelfes même, il y avait les blancs et les noirs. Les blancs ne répugnaient pas à l'intervention impériale. Les noirs restaient fidèles à l'Église, à Rome, au Saint-Siège. Cecco eut l'instinct d'être noir, peut-être parce que son père était blanc. Il le haït presque du premier souffle. À 15 ans, il réclama sa part de la fortune, comme si le vieil Angiolieri fût mort. Il s'irrita du refus et quitta la maison paternelle. Dès lors, il ne cessa de se plaindre aux passants et au ciel. Il vint à Florence par la grande route. Les blancs y régnaient encore, même après qu'on en avait chassé les Ghibellins. Cecco mendia son pain, attesta la dureté de son père et finit par se loger dans le taudis d'un savetier qui avait une fille. Elle se nommait Becchina et Cecco crut qu'il l'aimait. Le savetier était un homme simple, ami de la Vierge dont il portait les médailles et persuadé que sa dévotion lui donnait le droit de tailler ses chaussures dans du mauvais cuir. Il causait avec Cecco de la sainte théologie et de l'excellence de la grâce, à la lueur d'une chandelle de résine avant l'heure d'aller se coucher. Becchina lavait la vaisselle et ses cheveux étaient constamment emmêlés. Elle se moquait de Cecco parce qu'il avait la bouche tordue. Vers ce temps, commença à se répandre dans Florence le bruit de l'amour excessif qu'avait eu Dante degli Alighieri pour la fille de Folco Ricovero dei Portinari, Beatrice. Ceux qui étaient lettrés savaient par cœur les chansons qu'il lui avait adressées. Cecco les entendit réciter et les blâma fort. « Oh, Cecco, dit Becchina, tu te moques de ce Dante, mais tu ne saurais pas écrire de si beaux envois pour moi. Nous verrons, dit Angiolieri en ricanant. Et, premièrement, il composa un sonnet où il critiquait la mesure et le sens des chansons de Dante. Ensuite, il fit des vers pour Becchina, qui ne savait pas les lire et qui éclatait de rire quand Cecco les lui déclamait parce qu'elle ne pouvait supporter les grimaces amoureuses de sa bouche. Cecco était pauvre et nu comme une pierre d'église. Il aimait la mère de Dieu avec fureur, ce qui lui rendait le savetier indulgent. Tous deux voyaient quelques misérables ecclésiastiques à la solde des Noirs. On espérait beaucoup de Cecco, qui semblait illuminé, mais il n'y avait point d'argent à lui donner. Ainsi, malgré sa foi louable, le savetier dut marier Becchina à un gros voisin, Barberino, qui vendait de l'huile. « Et l'huile peut être sainte !» dit pieusement le savetier à Cecco Angiolieri pour s'excuser. Le mariage se fit environ dans le même temps que Beatrice épousa Simone de Bardi. Cecco imita la douleur de Dante. Mais Bechina ne mourut point. Le 9 juin 1291, Dante dessinait sur une tablette et c'était le premier anniversaire depuis la mort de Beatrice. Il se trouva qu'il avait figuré un ange dont le visage était semblable au visage de la bien-aimée. 11 jours après, le 20 juin, Cecco Angiolieri, Barberino étant occupé dans le marché aux huiles, obtint de Bechina la faveur de la baiser sur la bouche et composa un sonnet brûlant. La haine n'en diminua pas dans son cœur. Il voulait de l'or avec son amour. Il ne put en tirer aux usuriers. Il espéra en obtenir de son père et partit pour Sienne. Mais le vieil Angiolieri refusa à son fils même un verre de vin maigre et le laissa assis sur la route devant la maison. Cecco avait vu dans la salle un sac de florins nouvellement frappé. C'était le revenu d'Arcidosso et de Montegiovi. Il mourait de faim et de soif. Sa robe était déchirée, sa chemise fumante. Il revint, poudreux, à Florence, et Barberino le mit à la porte de sa boutique à cause de ses guenilles. Cecco retourna le soir dans le taudis de Savetier, qu'il trouva chantant une docile chanson pour Marie à la fumée de sa chandelle. Tous deux s'embrassèrent et pleurèrent pieusement. Après l'hymne, Cecco dit au Savetier la terrible et désespérée haine qu'il portait à son père. Vieillard qui menaçait de vivre autant que le juif errant Bottadeo. Un prêtre qui entrait pour conférer sur les besoins du peuple lui persuada d'attendre sa délivrance dans l'état monastique. Il conduisit Cecco à une abbaye où on lui donna une cellule et une vieille robe. Le prieur lui imposa le nom de frère Henri. Dans le chœur, pendant les chants nocturnes, il touchait de la main les dalles dépouillées et froides comme lui. La rage lui serrait la gorge quand il songeait à la richesse de son père. Il semblait que la mer plutôt dessécherait avant qu'il mourût. Il se sentait si dénué qu'il y eut des moments où il crut qu'il aimerait être souillard de cuisine. « C'est une chose, se dit-il, à laquelle on pourrait bien aspirer. » À d'autres moments, il eut la folie de l'orgueil. « Si j'étais le feu, pensa-t-il, je brûlerais le monde. Si j'étais le vent, j'y soufflerais l'ouragan. Si j'étais l'eau, je le noierais dans le déluge. Si j'étais Dieu, je l'enfoncerais parmi l'espace. » Si j'étais pape, il n'y aurait plus de paix sous le soleil. Si j'étais l'empereur, je couperais des têtes à la ronde. Si j'étais la mort, j'irais trouver mon père. Si j'étais Cecco, voilà tout mon espoir. Mais il était Frate Arrigo. Puis il revint à sa haine. Il se procura une copie des chansons pour Beatrice et les compara patiemment aux vers qu'il avait écrits pour Bechina. Un moine errant lui apprit que Dante parlait de lui avec dédain. Il chercha les moyens de se venger. La supériorité des sonnets à Bechina lui semblait évidente. Les chansons pour Bice, il lui donnait son nom vulgaire, étaient abstraites et blanches. Les siennes étaient pleines de force et de couleur. D'abord, il envoya des vers d'insulte à Dante. Puis il imagina de le dénoncer au bon roi Charles, comte de Provence. Finalement, nul ne prenant souci ni de ses poésies, ni de ses lettres, il demeura impuissant. Enfin, il se lassa de nourrir sa haine dans l'inaction, se dépouilla de sa robe, remit sa chemise sans agrafe, son jaquet usé, son chaperon lavé par la pluie, et retourna quêter l'assistance des frères dévots qui travaillaient pour les Noirs. Une grande joie l'attendait. Dante avait été exilé. Il n'y avait plus que des parties obscures à Florence. Le savetier murmurait humblement à la Vierge le prochain triomphe des Noirs. Cecco Angiolieri oublia Bechina dans sa volupté. Il traîna dans les ruisseaux, mangea des croûtons durs, courut à pied derrière les envoyés de l'église qui allaient à Rome et retournaient à Florence. On vit qu'il pourrait servir. Corso Donati, chef violent des Noirs, revenu dans Florence et puissant, l'employa parmi d'autres. La nuit du 10 juin 1304, une tourbe de cuisiniers, de teinturiers, de forgerons, de prêtres et de mendiants envahit le noble quartier de Florence où étaient les belles maisons des Blancs. Cecco Angiolieri brandissait la torche résineuse du savetier qui suivait à distance, admirant les décrets célestes. Ils incendièrent tout, et Cecco alluma les boiseries au balcon des Cavalcanti, qui avaient été les amis de Dante. Cette nuit-là, il étancha sa soif de haine avec du feu. Le lendemain, il envoya à Dante, le Lombard, des vers d'insultes à la cour de Vérone. Dans la même journée, il devint Cecco Angiolieri comme il le désirait depuis tant d'années. Son père, vieux autant qu'Élie ou Enoch, mourut. Cecco courut à Sienne, défonça les coffres et plongea ses mains dans des sacs de florins nouveaux, se répéta 100 fois qu'il n'était plus le pauvre frère Henri, mais noble, seigneur d'Arcidosso et de Montegiovi, plus riche que Dante et meilleur poète. Puis il songea qu'il était pécheur et qu'il avait souhaité la mort de son père. Il se repentit. Il griffonna sur le champ un sonnet pour demander au pape une croisade contre tous ceux qui insulteraient leurs parents. Avide de se confesser, il retourna en hâte à Florence, embrassa le savetier, le supplia d'intercéder auprès de Marie. Il se précipita chez le marchand de cire sainte et acheta un grand cierge. Le savetier l'alluma onctueusement. Tous deux pleurèrent des prières Notre-Dame. Jusqu'aux heures tardives, on entendit la voix paisible du savetier qui chantait des louanges, se réjouissait de son flambeau et essuyait les larmes de son amie.